الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers et sœurs, nous reprenons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, intitulé Kashf al-Shubuhat, dans lequel il a réfuté et dissipé nombre d'ambiguïtés autour du tawhid avancées par les adeptes du polythéisme et les adorateurs de tombes et de mausolées, afin de justifier leur adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les cours précédents, nous avons vu les réponses aux 8 premières ambiguïtés mentionnées par l'auteur rahimahullah ta'ala. Et nous avons vu également certains arguments nous démontrant que les polythéistes de l'époque de l'auteur, rahimahullah, ainsi que ceux de nos jours parmi les contemporains, sont tombés dans le polythéisme de manière plus profonde et plus grave que les premiers polythéistes vers lesquels avait été envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, lorsque les adeptes de l'adoration des tombes ont su cela de l'auteur et des prédicateurs au tawhid, ils ont exposé une autre ambiguïté, qui est la 9e ambiguïté mentionnée dans ce livre, et qui est de dire que les adeptes du tawhid taxent de mécréance les musulmans, et ce toujours afin de ternir et de salir l'image des prédicateurs à la vérité. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a répondu à cette ambiguïté de manière détaillée. En effet, il y a apporté 9 réponses distinctes. Et chacune d'entre elles est suffisante pour réfuter cette ambiguïté. Mais afin d'approfondir le sujet et de ne laisser planer aucun doute à ce sujet, le Cheikh rahimahullah ta'ala y a apporté 9 réponses. Et on va voir certaines d'entre elles dans le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Il a donc dit, « إِذَا تَحَقَّقْتَ أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. Une fois que tu t'es assuré que ceux qui ont combattu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avaient une raison plus juste et un polythéisme moindre que cela. C'est-à-dire que les polythéistes de notre époque sont tombés dans le shirk de façon plus grave et plus profonde que les premiers polythéistes. فَعْلَمْ أَنَّ لِهَاهُلَاهِ شُبْهَةً يُرِدُونَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. Sache donc que ceux-là ont une ambiguïté par laquelle ils s'opposent à ce que nous avons mentionné. C'est-à-dire par laquelle ils s'opposent au fait que leur polythéisme soit plus grave que celui des premiers polythéistes. وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ شُبَهِهِمْ. Et ceci fait partie de leurs ambiguïtés les plus grandes. فَأَصْرِ سَمْعَكَ لِجَوَابِهَا. Tends donc l'oreille et prête l'oreille attentivement à la réponse à cette ambiguïté. Donc tout d'abord, l'ambiguïté, quelle est-elle? Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, وَهِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Ils disent, ceux sur qui le Coran est descendu, c'est-à-dire les premiers polythéistes, ils n'attestaient pas que la ilaha illallah, ils ne prononçaient pas cette attestation. Et c'est comme s'ils disaient, mais nous la prononçons. وَيُكَذِّبُونَ الرَّسُولُ sallallahu alayhi wa sallam. Ils traitaient de menteur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne le traitons pas de menteur. وَيُنْكِرُونَ الْبَعْثِ. Et ils reniaient la résurrection. Et nous ne renions pas la résurrection. وَيُكَذِّبُونَ الْقُرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سِحْرًا. Et ils reniaient le Coran et ils considéraient qu'il relevait de la sorcellerie. Et c'est comme s'ils disaient, mais nous croyons au Coran. Donc ils disent, وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Nous attestons que لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ et que Muhammad est le messager d'Allah. وَنُصَدِّقُ الْقُرْآنَ. Nous croyons au Coran. وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ. Et nous croyons à la résurrection. وَنُصَلِّ وَنَصُومُ. Nous prions et nous jeûnons. فَكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ أُولَئِكَ. Comment pouvez-vous donc nous considérer comme cela? Comment pouvez-vous dire que ceux qui attestent La double attestation de foi. Croient au Coran, croient à la résurrection, font la prière et jeûnent. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont comme, voire pire que ceux qui faisaient du polythéisme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Donc ils ont voulu distinguer entre eux et les premiers polythéistes de Quraysh en mentionnant ces différences. Et la question maintenant est de savoir, est-ce que ces différences, qui sont des différences réelles et bien présentes, ont une incidence et un impact sur le jugement de leurs actions qu'ils font et qui s'opposent à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, est-ce que le fait de prononcer la double attestation de foi, de croire au Coran, de croire en la résurrection, de prier, de jeûner, est-ce que cela empêche la personne de sortir de l'islam si elle commet une chose qui s'oppose au fondement de la religion comme le polythéisme ou autre? Et le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous mentionner 9 réponses nous démontrant que ces différences n'ont aucune incidence sur le jugement de leurs actions. Il a donc dit rahimahullah: Faljawab alla khilaf bayn al-ulama kullihim an ar-rajul إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. La réponse, c'est-à-dire la première réponse à cette ambiguïté, c'est qu'il n'y a pas de divergence entre l'ensemble des savants concernant le fait que l'homme qui croit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet de certaines choses et qui le renie sur d'autres, alors c'est un mécréant et il n'est pas entré en islam. Il y a unanimité à ce sujet. Les savants ne divergent pas. Celui qui renie une seule chose parmi ceux avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il croit en tout le reste de la religion, le fait de renier une seule chose, que ce soit la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage ou autre, parmi ceux avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le reniement de cette chose viendra annuler son islam. Donc si celui qui renie une seule chose de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant, que dire de celui qui renie le tawhid, qui est la chose la plus importante avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les messagers venu avant lui? Il ne fait aucun doute que sa religion sera annulée. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire: وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ. Et de la même manière, s'il croit au Coran et qu'il en renie une partie, même si ce n'est qu'un mot ou une lettre, s'il renie un mot du Coran, même s'il croit en tout le reste, c'est un mécréant. Car il aura renié une partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci revient à renier ce qui est venu de la part du Seigneur de l'univers. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ. Comme celui qui reconnaît le tawhid, il reconnaît l'unicité d'Allah, mais il renie l'obligation de la prière. Il se peut même qu'il fasse la prière, mais il renie son obligation, il dit la prière n'est pas obligatoire. Celui qui veut prier, il prie. Celui qui ne veut pas prier, il ne prie pas. Celui-ci, il est mécréant à l'unanimité des gens de science. Ou aqarra bit-tawhid wa as-salah wa jahada wujub az-zakah. Ou alors, il reconnaît le tawhid, il reconnaît l'obligation de la prière, mais il renie l'obligation de la zakat. Celui-ci également, il est mécréant à l'unanimité de la communauté. Ou aqarra bihada kullihi wa jahada as-sawm. Ou alors il reconnaît tout cela, c'est-à-dire il reconnaît le tawhid, il reconnaît la prière, il reconnaît la zakat, mais il renie le jeûne, il renie l'obligation du jeûne. Alors c'est un mécréant. Ou aqarra bihada kullihi wa jahada al-hajj. Ou alors il reconnaît tout cela, il reconnaît le tawhid, la prière, la zakat, le jeûne, mais il renie l'obligation du pèlerinage. Alors dans cette situation également, même s'il fait le pèlerinage, il est mécréant en raison du fait qu'il a renier ce qui vient d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui est reconnu à l'unanimité de la communauté. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Et lorsque des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sont pas soumis au pèlerinage, c'est-à-dire ne se sont pas soumis à l'obligation du pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à leur sujet. Et pour Allah, les gens doivent accomplir le pèlerinage de la maison pour ceux qui en ont les capacités. Et celui qui mécroit, celui qui renie cette obligation du pèlerinage, qui délaisse cette obligation et la renie, alors Allah se passe de l'univers. Donc ceci nous indique que celui qui renie l'obligation du pèlerinage, même s'il accomplit le pèlerinage, son reniement est une forme de mécréance. Ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: وَمَنَ قَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْبَحْثَ كَفَرْ بِالْإِجْمَاعِ. Et celui qui reconnaît tout cela, qui reconnaît le tawhid, qui reconnaît l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne, du pèlerinage, mais qui renie la résurrection, alors il est mécréant à l'unanimité. وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ. Et son sang et ses biens deviennent licites. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Comme Allah a dit: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. الآية. En vérité, ceux qui mécroient en Allah et en ses messagers, et qui veulent différencier entre Allah et ses messagers, et qui disent « nous croyons en une partie, et nous mécroyons, nous renions une autre partie », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, ceux-là sont les véritables mécréants. Ceux-là sont les véritables mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans ce verset que ceux qui renient une partie de la religion, même s'ils croient au reste de la religion, alors ce sont ceux-là les vrais mécréants. Donc ce n'est pas une condition pour être mécréant de renier toute la religion. Une personne peut croire en une partie de la religion, la mettre en pratique, mais commettre en parallèle des choses qui annulent cet islam, renier certaines parties de la religion. Alors ceux-là deviennent, en raison de cet acte, de cette parole ou de cette croyance, ils deviennent mécréants. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْإِحْصَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا. Il dit: par conséquent, si Allah a stipulé clairement cela dans son livre, que celui qui croit en une partie et mécroit en une autre partie, c'est lui le vrai mécréant. Cette ambiguïté est alors dissipée. L'ambiguïté, elle est dissipée. On voit donc que le fait qu'ils aient une pratique différente des premiers polythéistes, que peut-être ils reconnaissent certaines choses que ne reconnaissaient pas les premiers polythéistes, ceci n'empêche pas qu'ils commettent des actes les faisant sortir de la religion. On voit donc que l'apostasie, ce n'est pas seulement de mécroire en toute la religion. Il y a cette forme d'apostasie qui existe, que la personne délaisse l'ensemble de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'apostasie est aussi de mécroire et de renier une partie de cette religion. Et c'est pour cela que les savants ont mentionné dans leurs ouvrages que la personne peut devenir mécréante par une croyance, par une parole, par un acte qui viendra annuler l'ensemble de sa religion. Donc les différences qu'ils mentionnent n'ont pas d'incidence sur le jugement de leurs actions et leur statut en raison du polythéisme qu'ils commettent, wallahu al-musta'an. Ceci était donc la première réponse mentionnée par l'auteur, rahimahullah. Ensuite, il a mentionné la deuxième réponse et a dit: وَيُقَالُ أَيْضًا. On leur dit aussi: إِذَا كُنْتَ تُقِرُّ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البحث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. On lui dit aussi: si tu reconnais que celui qui croit au messager sallallahu alayhi wa sallam en toute chose, mais qui en parallèle renie l'obligation de la prière. Alors celui-ci est un mécréant dont le sang et les biens sont licites à l'unanimité des gens de science. Et de la même manière, s'il reconnaît toute chose de la religion, sauf la résurrection, ou qu'il renie l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, malgré qu'il croit en tout le reste de la religion, celui-ci est un mécréant. Et le polythéiste, adorateur de tombes, ne renie pas cela. Il sait cela car c'est là mentionné dans l'ensemble des livres des différentes écoles. C'est pour cela que l'auteur nous dit « Et les écoles, les madhahib, ne divergent pas à ce sujet. Aucune école de jurisprudence ne renie le fait que si une personne mécroit en l'obligation d'une seule législation de l'islam, alors il est mécréant. » À l'unanimité des gens de science. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Et le Coran a clairement mentionné cela comme nous l'avons vu précédemment, comme on l'a vu dans les deux versets que l'on vient de citer dans la réponse précédente. » Le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit alors « فَمَعْلُومْ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَةٍ جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Il est connu que le tawhid est la plus grande prescription, la plus grande obligation, la plus importante avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ Et le tawhid est plus important que la prière, que la zakat, que le jeûne et que le pèlerinage. Donc celui qui renie le tawhid, qui commet des actes contraires au tawhid, même s'il met en pratique la religion tout entière, à partir du moment où il commet ce qui annule le tawhid, ses autres actions ne lui seront d'aucun profit, elles ne seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que poussière éparpillée. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, فَكَيْفَ إِذَا جَحَدَ الْإِنسَانُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ كَفَرْ وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ لَا يَكْفُرْ Il dit, comment peut-on dire que l'homme qui renie une seule de ces choses est un mécréant, c'est-à-dire qui renie la prière, ou qui renie la zakat, ou qui renie le jeûne ou le pèlerinage? Comment peut-on dire que s'il renie une seule de ces choses, c'est un mécréant, même s'il met en pratique tout le reste de la religion? Mais s'il renie le tawhid, qui est la religion de tous les messagers, alayhi salatu wassalam, il n'est pas mécréant. C'est important de comprendre cela, mes frères et sœurs, car beaucoup de gens ont du mal à ce sujet. Ont du mal à comprendre qu'une personne puisse, en apparence, mettre en pratique de nombreuses choses de la législation islamique, mais être du nombre des mécréants, wal'iyadu billah, en raison d'une croyance, en raison d'un acte, en raison d'une parole. Donc à partir du moment où on a la certitude que celui qui renie l'obligation de la prière est un mécréant, que celui qui renie l'obligation de la zakat est un mécréant, que celui qui renie l'obligation du pèlerinage, du jeûne ou autre parmi les prescriptions religieuses est un mécréant, même s'il met en pratique tout le reste de la législation. Alors sans aucun doute, celui qui renie le tawhid, qui est la base et le fondement de la religion, il ne fait aucun doute qu'il est d'autant plus mécréant. Wal'iyadu billah. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite, Subhanallah, ma a'jaba hadha al-jahl. Comme est surprenante cette ignorance. Comme est surprenante l'ignorance de ces personnes qui vénèrent les tombes et les mausolées, qui considèrent que celui qui renie l'obligation de la prière est mécréant, mais qui considère celui qui renie le tawhid comme musulman, sous prétexte qu'il prie, qu'il donne la zakat, qu'il jeûne et qu'il fait le pèlerinage. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre réponse qui est la troisième et il a dit « وَيُقَالُ أَيْضًا هَهُلَاي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلُوا بَنِي حَنِيفَةً وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُؤَذِّنُونَ وَيُصَلُّونَ Nous leur disons aussi, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont combattu Bani Hanifa, donc une tribu parmi ceux qui prétendaient l'islam et qui croyaient en la prophétie de Musaylima al-Kaddab. Musaylima qui était un faux prophète, quelqu'un qui prétendait à la prophétie. Donc les compagnons, radiyallahu anhum, ils les ont combattus. Et ceux-là, Banu Hanifa, ils étaient entrés en islam avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils prononçaient l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ils faisaient l'appel à la prière. Ils priaient. mais les compagnons radiallahu anhum les ont combattus. Donc qu'est-ce qu'il va répondre l'adorateur de tombe lorsqu'on va lui expliquer cela? فَإِنْ قَالْ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِي. Donc s'il répond, cela, c'est-à-dire Banu Hanifa, prétendait que Musaylima était un prophète. Donc ils sont devenus mécréants en raison de leur croyance que Musaylima était un prophète, malgré qu'il mettait en pratique le reste de la religion en apparence. Le Shaykh rahimahullah ta'ala dit alors « Qulna hada huwa al-matloub » C'est cela qui est attendu. C'est cela que nous attendons comme réponse. C'est-à-dire que la seule chose qui les a fait sortir de l'islam est le fait de croire en la prophétie de Musaylima. Donc ils se sont opposés à l'islam par une seule croyance, malgré qu'ils mettaient en pratique le reste de la religion. Puis le Shaykh rahimahullah ta'ala de dire « إِذَا كَانَ مَنَ رَفَعَ رَجُلًا إِلَى رُتْبَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَفَرَ وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ وَلَمْ تَنْفَعْهُ الشَّهَادَتَانِ وَلَا الصَّلَاةُ فَكَيْفَ بِمَنْ رَفَعَ شَمْسًا أَوْ يُوسُفَ أَوْ صَحَابِيًّا أَوْ نَبِيًّا فِي رُتْبَةِ جَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il dit par conséquent, si celui qui a élevé un homme au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient mécréant en raison de cette croyance, et que son sang et ses biens deviennent licites, et que la double attestation de foi ne lui est d'aucun profit, ni même la prière. Alors que dire d'un homme qui a élevé Shamsan ou Yusuf, qui étaient des tombes d'hommes adorés, au temps de l'auteur, rahimahullah? Alors que dire de celui qui a élevé Shamsan ou Yusuf, ou un compagnon, ou un prophète, au rang du Seigneur des cieux et de la terre? Il n'y a pas de doute que celui-ci est plus à même et plus en droit d'être considéré comme mécréant. C'est celui qui élève un homme au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le considérant comme prophète, et mécréant. Que dire de celui qui élève une créature au rang du Créateur, et qui lui voue l'adoration qui est un droit exclusif d'Allah? Il n'y a pas de doute qu'il est d'autant plus mécréant. Le Shaykh rahimahullah ta'ala dit ensuite, Subhanallah, pureté à Allah. Ma a'zama sha'nuh. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Il termine donc la réponse à cette ambiguïté en mentionnant ce verset, qui est la parole d'Allah selon le sens. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Leurs cœurs sont scellés au point de ne pas faire la différence entre ces choses, de ne pas distinguer entre le faux et la vérité, wallah al-musta'an. Ensuite, le Shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné la quatrième réponse et il a dit وَيُقَالُ أَيْضًا الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الاسلام وهم من اصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابه ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما. Nous leur disons aussi ceux que Ali ibn Abi Talib a brûlé par le feu. Ils prétendaient l'islam. Et ils faisaient partie des compagnons de Ali. Ils avaient appris la science des compagnons radiallahu anhum. Mais ils ont cru au sujet de Ali la même chose que l'on croit au sujet de Yusuf et Shamsan et leurs semblables. Donc Ali radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, il a brûlé par le feu al-Shi'a qui exagérait à son sujet. Ceux qui ont aimé Ali au point de dépasser les limites à son sujet, au point de le prendre pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce en raison de cet infiltré du nom de Abdullah ibn Sabah, qui était un juif qui a prétendu entrer en islam et puis qui a propagé le faux parmi les rangs des musulmans. Au point de pousser ces personnes à exagérer au sujet de Ali et de lui donner le droit à l'adoration. Pourtant ces gens continuaient de prétendre s'affilier à l'islam, ils mettaient en pratique l'islam en apparence. Mais en raison de leur croyance au sujet de Ali, qu'il avait le droit à l'adoration, ils sont sortis de l'islam et Ali, radiallahu anhu, les a châtiés par le feu. Et le Shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit que leur croyance au sujet de Ali est la même croyance que les gens de son époque avaient au sujet de Yusuf et Shamsan, et leurs semblables, comme ceux qui ont une croyance au sujet de Abd al-Qadir al-Jailani, ou de l'Aïdarus, ou d'autres parmi ceux qui sont adorés et vénérés à notre époque, parmi les tombes et les mausolées. Et on pourrait mentionner le nom de nombreuses tombes et de nombreuses personnes au sujet desquelles les gens parmi les soufis Qubouri exagèrent à notre époque. Donc Ali radiallahu anhu, il a combattu ces gens et les a châtiés par le feu en raison de cette croyance. Ali radiallahu anhu a fait cela sans qu'aucun des compagnons ne s'oppose à sa décision. C'est-à-dire que les compagnons radiallahu anhum étaient tous d'accord pour condamner ces personnes à la peine capitale, en raison de leur apostasie, suite à cette croyance au sujet de Ali. Seulement, certains compagnons comme Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum et d'autres ont considéré que il n'aurait pas dû être tué par le feu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul ne châtie par le feu si ce n'est le Seigneur du feu », c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont reproché à Ali la manière, mais pas la peine. C'est-à-dire que la peine capitale, il l'a méritée. Mais seulement, ils auraient préféré que celle-ci soit appliquée par l'épée. Mais aucun d'entre eux n'a divergé sur le statut de ces personnes et la peine qu'ils méritaient. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ ?» Les compagnons, comment ont-ils pu être unanimes sur le fait de les tuer sur leur mécréance, sur leur statut de mécréant ?« أَتَظُنُّونَ أَنَّ الصَّحَابَةَ يُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ ?» Pensez-vous que les compagnons taxaient de mécréance les musulmans ?« أَتَظُنُّونَ أَنَّ الْاِعْتِقَادَ فِي تَاجٍ وَأَمْثَالِهِ لَا يَضُرْ ?» وَلِيَعْتِقَادُ فِي عَلِي ibn Abi Talib يُكَفِّرْ. Pensez-vous que la croyance au sujet de Taj, une autre personne, au sujet de laquelle les gens de l'époque de Shaykh exagéraient, pensez-vous que la croyance au sujet de Taj et ses semblables n'est pas nuisible, et que la croyance au sujet de Ali ibn Abi Talib rend la personne mécréante? Voyez que les réponses à cette ambiguïté, elles sont nombreuses. Comment celui qui exagère au sujet des tombes des vertueux ou au sujet des tombes de ceux qu'il révère et qu'il vénère, sa croyance en cela ne va pas lui nuire, alors que ceux qui ont exagéré au sujet de Ali ont été tués à l'unanimité des compagnons et considérés comme mécréants. Et ceci est la quatrième réponse à cette ambiguïté. Ensuite, le Shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné la cinquième réponse à cette ambiguïté et il a dit « وَيُقَالُ أَيْضًا بَنُ عُبَيْدَ الْقَضَّاحِ الَّذِينَ مَلَكُ الْمَغْرِبَ وَمِصْرَ فِي زَمَنِ بَنِ الْعَبَّاسِ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. Nous leur disons également que Banu Ubayd al-Qaddah, donc cette tribu qui ont prétendu être des Fatimites, qui ont eu autorité sur le Maghreb et l'Égypte, au temps de Banu al-Abbas, de la Daoula Abbasite. Ceux-là, ils attestaient tous que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ils prétendaient l'islam, c'est-à-dire qu'ils mettaient en pratique l'islam de façon apparente. Ils faisaient la prière du vendredi et la prière en groupe. Mais lorsqu'est apparu d'eux des oppositions à la charia, des oppositions à la législation islamique, sur des choses qui sont moindres à ce dont nous parlons ici, c'est-à-dire des choses qui sont moindres que l'opposition au sujet du tawhid. Par exemple, parmi les choses qui leur étaient reprochées, il y a le fait qu'ils rendaient licites certains interdits et permettaient par exemple à l'homme de se marier avec deux sœurs et ne voyaient pas cela comme interdit. Donc ceci est une chose gravissime mais qui est moindre que l'opposition au sujet du tawhid. Malgré cela, les savants ont été unanimes sur leur mécréance et sur le fait de les combattre. Ils n'ont pas dit « Oui, mais ils attestent que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. » Ils n'ont pas dit « Oui, mais ils prient et ils donnent la zakat, ils font le jumu'a et le jama'a. » Ils n'ont pas considéré cela comme ayant une incidence sur leur statut. Et ceci ne leur fut en aucun cas profitable. Car à partir du moment où la personne commet une chose qui la fait sortir de l'islam, peu importe ce qu'elle fait à côté, son statut reste le même et c'est celui de l'apostasie, wal'iyadu billah. Et il nous dit également que les savants étaient unanimes sur le fait que « وَأَنَّ بِلَادَهُمْ بِلَادَ حَرْبٍ وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Ils ont aussi été unanimes donc sur leur mécréance, sur le fait de les combattre et sur le fait que leur pays, leurs terres sur lesquelles ils avaient autorité étaient des terres de guerre et les musulmans les ont combattus jusqu'à libérer ce qu'ils avaient sous leur autorité parmi les pays des musulmans. Donc que dire de la situation de nombre de personnes aujourd'hui qui, en apparence, suivent la religion de l'islam, mais ont pour croyance et pour pratique des choses qui s'opposent à la base de la religion en adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait aucun doute qu'ils sont d'autant plus sujets à être taxés de mécréants et que les actes qu'ils font parmi les actes légiférants en islam ne leur sont d'aucun profit et d'aucune utilité. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné une sixième réponse et il a dit ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البحث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. Nous leur disons aussi: si les premiers, c'est-à-dire les premiers polythéistes, ne sont tombés dans la mécréance qu'en raison du fait qu'ils ont réuni entre le shirk, entre le reniement du messager et du Coran, entre le reniement de la résurrection et autres que cela parmi les choses mentionnées. Alors quel est le sens de ce chapitre que les savants de toute école confondue ont mentionné dans leur livre et qui est le chapitre du jugement de l'apostat? L'apostat qui est le musulman qui devient mécréant après son islam. Quel est le sens de ce chapitre? Tous les savants de toute école confondue ont mentionné ce chapitre dans leur livre de jurisprudence. Et ils ont mentionné que le musulman peut sortir de l'islam par une action, parole, une croyance ou même un doute. Même s'il atteste que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il donne la zakat, même s'il fait le pèlerinage et ainsi de suite. Si la personne ne peut devenir mécréante qu'en réunissant entre toutes les choses sur lesquelles étaient les premiers polythéistes. Quel serait le sens de ce chapitre? Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: ثُمَّ ذَكَرُوا أَنْوَاعًا كَثِيرًا كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ. Ils ont mentionné différentes formes d'apostasie et chacune de ces formes rend la personne mécréante. وَيُحِلُّ دَمَ الرَّجُلِ وَمَا لَهُ. Et cela rend licite le sang de la personne, le sang de cet homme qui a commis cet acte, ainsi que ses biens. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه. Ils ont même mentionné des choses qui paraissent sans gravité pour celui qui les fait, comme une parole qu'il prononce avec sa langue sans son cœur, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à cette parole mais il la prononce avec sa langue. أو كلمة يذكر على وجه المزح واللعب. Ou une parole qu'il prononce pour plaisanter ou pour s'amuser. Les gens de science ont mentionné qu'il se peut qu'une personne devienne mécréante par une simple parole qu'il prononce pour rigoler, pour plaisanter. Et cette parole va le faire sortir de l'islam, même s'il prie, donne la zakat, jeûne, fait le pèlerinage, jeûne le jour, prie la nuit, donne des aumônes à longueur de journée, ainsi de suite. Car ce qui annule l'islam rend vaine l'ensemble des actions. Et les actions ne lui sont d'aucun profit tant qu'il ne se repent pas de cette annulative de l'islam qu'il a commis. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre réponse à cette ambiguïté et il a dit: وَيُقَالُ أَيْضًا الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ مَعَ كَوْنِهِمْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ وَيُصَلُّونَ مَعَهُ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ. Nous leur disons également: Allah a dit dans son livre selon le sens, ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, mais ils ont certes dit la parole de mécréance et ont mécru après leur islam. N'as-tu pas entendu qu'Allah a statué de leur mécréance en raison d'une parole, malgré qu'ils se trouvaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils combattaient aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il donnait la zakat, qu'il faisait le pèlerinage et qu'il vouait le culte exclusivement à Allah. Pour une parole, Allah a statué de leur mécréance. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et de la même manière, c'est au sujet desquels Allah a dit, « Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après votre foi. » فَهَهُلَهِ الَّذِينَ صَرَّحَ اللَّهُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّهُمْ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمَزِحِ. Cela, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de manière explicite qu'ils ont mécru après leur foi, étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Tabouk. Ils ont dit une parole et ils ont dit qu'ils l'avaient prononcée pour plaisanter. Malgré cela, ils sont sortis de l'islam en raison de cette parole. Pourtant, ils mettaient en pratique les œuvres de la législation islamique aux côtés des compagnons radiallahu anhum. Ils œuvraient avec les musulmans, mais ils sont devenus mécréants après leur foi lorsqu'ils ont prononcé une parole qui les a fait devenir mécréants apostats. فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَةَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُنَاسًا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ. Le Shaykh rahimahullah ta'ala termine en nous disant « Médite donc sur cette ambiguïté, qui est leur parole, vous taxez de mécréance des gens parmi les musulmans qui attestent que la ilaha illallah, qui font la prière, qui jeûnent, puis médite et réfléchit sur la réponse à cette ambiguïté. Car ceci est parmi ce qu'il y a de plus profitable dans ces feuilles. » C'est-à-dire que le Shaykh rahimahullah ta'ala considère que ce passage que l'on vient de lire aujourd'hui fait partie des choses les plus profitables qu'il a mentionnées dans cette épître. Qui est le fait que la situation des polythéistes contemporains et leur affiliation à l'islam et leur mise en pratique de certains rites islamiques n'est pas un empêchement ni une excuse les préservant du statut de l'apostasie alors qu'ils commettent des choses qui s'opposent au tawhid qui est la base de la religion de l'islam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné deux autres réponses à cette ambiguïté qui concerne la demande de Banu Israël à Moussa alayhi salam, ainsi que la demande de certains compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une demande semblable, et nous lirons cela dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayraa.